seizure. Damn, damn. Thank you. Aïcha, écoute-moi. Aïcha, Aïcha, t'en vas pas. Aïcha, Aïcha, regarde-moi. Oh, Aïcha, Aïcha, réponds-moi. Ok. Aïcha, Aïcha, écoute-moi. Aïcha, Aïcha, t'en vas pas. Aïcha, Aïcha, regarde-moi. Oh, Aïcha, Aïcha, réponds-moi. Poi t'ammazza, fumo nero, dama bianca, rete 4, pasta, grappa. Ma entro in stanza, lei già calda, viala, gonna, maglia, tanga, suda, grida, birra, contro, guerra, vinta, contro, nanna. Have my fortunes and I use polo on the board of the rap gowns. Rap one. bona. Bona. Quiero que este sea el mundo que conteste